Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau manche disque de la galaxie 80s, le podcast. Je suis Mikado Twix, votre hôte, entre autres, pour ce numéro. Et pour m'accompagner aujourd'hui en IRL, je suis accompagné de mon comparse Mr. Wiz. Mr. Wiz? Bonjour, monsieur Mikado Twix, comment allez-vous bien? Je suis très content. Au menu du jour, la formule reste inchangée. Hein. Dans une première partie, bien évidemment, nous allons vous évoquer nos différentes sélections d'albums et pourquoi nous avons choisi ces différents albums. Dans une deuxième partie, nous parlerons donc des rééditions. Hein, le disque qu'on avait à cœur de mettre en avant toujours dans la galaxie années 80. Et enfin, comme d'habitude, le petit hors-sujet. Bien souvent, Wiz, il est bien remonté bien avant les années 80. Et moi, bizarrement, j'aime bien aller un petit peu après. Donc peut-être que ça sera le thème du jour. Et on va commencer par ma première sélection. Je vais vous parler, on tape direct dans le dur, du groupe Les Jackson, The Jackson, pour l'album Victory, et le titre sélectionné, c'est Torture. Donc c'était le titre Torture des Jackson. Alors pourquoi j'ai souhaité évoquer cet album? Tout d'abord parce que j'adore le titre tenu. Je trouve que c'est un album, à mon sens, injustement méconnu, car réalisé dans l'ombre de Michael Jackson qui prenait à l'époque son envol. Et plus que son envol même, c'est ça, une grosse place. Donc, faut savoir que sur cet album, il y a deux autres singles, on va dire, qui ont été assez hauts dans les charts, qui sont sortis. On a le hit donc Torture, qui a été classé quand même numéro 14 au top 50 français en 1984. L'album est sorti chez CBS Epic Records. Il est le seul album où figurent les six frères Jackson. Jermaine, libre de tout contrat chez la Motown, est revenu dans le groupe et participa au titre Torture qu'on a entendu donc en duo avec Michael Jackson. Alors l'album, malgré tout, je pensais qu'il était nettement méconnu. Il s'est quand même vendu à plus de 7 millions d'exemplaires à travers le monde. Et enfin, le 30 octobre 1984, il a été certifié par deux fois disque de platine pour ses ventes. Donc pour un album pas très connu, bizarrement dans le collectif, je sais pas toi Wiz, mais moi quand je l'ai présenté autour de moi, personne s'en souvenait. Moi je m'en souvenais pas véritablement d'époque. Le disque, je l'ai chez moi. Je l'avais acheté dans la foulée de la mort de Michael Jackson, parce qu'ils avaient fait une série de rééditions japonaises qui étaient marrantes, avec des photos de Michael sur la tranche. Donc j'avais acheté ce que j'avais trouvé, dont celui-là. J'avais complètement oublié Torture, mais complètement. Alors, quand je l'ai écouté, j'ai dit, mais oui, mais bien sûr. Mais je voyais le titre, comme, ça me disait comme rien. Comme beaucoup, t'avais occulté complètement, l'album. Complètement. Et qu'est-ce que t'en as pensé, tout simplement? J'en pense qu'il mérite plus que l'oubli, on va dire, relatif dans lequel il est tombé. Qu'il y a quand même un certain nombre de chansons qui sont bonnes, surtout première face. Ouais. La première face, elle est assez efficace. Même si la quatrième, Be Not Always, de Michael Jackson, donc tout seul. Et cabotine un peu. Voilà, le problème, c'est que 3 minutes, elle aurait été bien, mais là, elle dure. Et à la fin, il en joue beaucoup trop à la She's Out of My Life, volume 2. C'est ça. C'est un petit peu violent. Et puis, j'avais oublié, c'est pareil, je m'en suis ressouvenu après coup sur le State of Shock qu'il a interprété en duo avec Mick Jagger, le leader des Rolling Stones. Exactement. Alors, celle-là est rigolote parce que, honnêtement, pour moi, c'est l'exemple parfait d'une chanson parfaitement médiocre qui ne tient que par ses interprètes. C'est ça. Parce que tu fais chanter ça par n'importe qui, tout le monde va dire que c'est un nanar intégral, mais tu mets Michael Jackson et Mick Jagger, ça sauve la chanson, alors que, par ailleurs, elle a quand même pas un intérêt dramatique. Tu me tends la perche, mais oui. Parce que sache qu'il y a une petite anecdote sur ce titre chanté en duo avec Mick Jagger, mais à la base, la chanson avait été chantée avec Freddie Mercury, donc le leader du groupe Queen, et une démo est disponible sur Internet, donc on peut l'écouter, et honnêtement, ça fait également parfaitement le travail. Bon, il faudra que j'écoute pour le coup. Petite info dans l'info, sincèrement les auditeurs, je vous invite à regarder le clip de Torture, parce qu'il porte plutôt bien son nom, hein. J'ai envie de te dire que c'est un peu cocasse. Hein. Et ce qui est assez drôle, c'est que bah, justement, Michael et Jermaine Jackson ne participent pas. Voilà, donc ils ont un peu biaisé la promotion de l'album. Il y en a un qui tient une photo de chaque, et puis c'est à voilà. peu près ça. Mais bon, moi personnellement, je l'ai acheté en brocante à la jaquette, hein, comme on dit souvent. Mm-hmm. J'avais complètement occulté cet album. Alors que voilà, hein, il est pas honteux, très honnêtement, il est très daté, mais il est pas oui, honteux. Oui, oui, là par contre, là on est dans le son années 80, il y a clairement quoi, hein. Voilà. On passe à l'année 1983, je te laisse la main, Wiz. Et oui, bah on continue dans le vraiment d'époque avec David Bowie et l'album Let's Dance, dont je n'ai pas retenu la chanson Let's Dance, parce que c'est trop facile, et puis parce que je préfère Modern Love, donc ça sera Modern Love. Alors, il s'agit donc du 15e album de David Bowie. Du déjà 15e. Quoi. Déjà 15e à l'époque. Et oui, il a commencé dans les années 60 tout de même. Donc, paru en 83 et produit par un certain Nile Rodgers. Ah. Et oui, tout de même. C'est le plus gros succès de la carrière de Bowie avec plus de 10 millions d'exemplaires vendus. Et c'est l'album qui va relancer la carrière et de Bowie et de Nile Rodgers. Tout à fait. Ouais. Voilà. L'un en tant que donc toujours chanteur et l'autre en tant que producteur, abandonnant temporairement sa machine à chic. Il a eu une rotation monstrueuse sur MTV avec beaucoup de diffusion de ses clips. Et là, c'est le passage aux années 80 hein, sur cet album. Hein. Ah bah complètement. Stardust, tout ça, on oublie. Hein. Enfin, ah bah on était déjà très loin avant. Oui, hein. Mais on oublie quoi. D'ailleurs, pour le coup, sur MTV, le clip China Girl va rafler le MTV Video Award en face de Thriller de Michael Jackson. Ah oui, quand même. Donc, comme quoi, pour le coup... Donc, naturellement, le disque est particulièrement décrié, car beaucoup trop commercial, et on lui préfère, bien entendu, ses productions précédentes, en particulier ses productions des années 70, de la fin des années 70, dite période berlinoise, qui sont les albums qui ont le moins marché de sa carrière, et dont il s'est justement sorti avec cet album qui a extrêmement bien marché, et moi, titre personnel... Eh ben, j'aime bien les deux. Donc, je trouve pas que l'album, il soit mauvais. Je le trouve vraiment excellent. Et j'aime aussi les albums beaucoup plus obscurs. Donc, voilà, je trouve que c'est très équilibré dans un cas comme dans l'autre. Et, Monsieur Mika? Eh ben, je te rejoins complètement, hein, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs périodes dans la carrière artistique de Bowie et il y a rien à jeter. Bon, évidemment, il y a des titres plus ou moins emblématiques, mais cet album, vraiment, c'est le Bowie qui rentre dans les années 80. En faisant pas table rase de ce qu'il a déjà fait, mais on passe à autre chose et il le fait bien, donc... Donc, j'ai pas trop grand chose à ajouter. Je suis juste un petit peu étonné, parce que te connaissant, je pensais que tu choisirais China Girl, que j'aime d'amour. Hein, mais bon, évidemment, moi, Bowie, enfant, est égal Let's Dance, hein, parce que c'est une chanson qui est ultra commerciale, mais qui est ultra efficace. Ça marche tellement bien. Et ce qui m'avait étonné quand j'ai acheté l'album, somme toute assez récemment, hein, ça fait peut-être 2-3 ans, c'est assez... En vinyle, non? En CD. Désolé. Désolé, je suis resté au CD pour le moment. C'est que face donc aux trois grosses locomotives, donc Modern Love, China Girl et Let's Dance, je m'attendais à ce que le reste de l'album soit du gros remplissage. Et en fait, à part la fin de face A, Without You, qui est assez dispensable, le reste, ça marche aussi très bien. Ouais, il est bon l'album. Hein. Connaissais des bonnes chansons du début jusqu'à la fin. Je connaissais pas très bien, hein, tu sais, comme tout, je connaissais les trois titres phares. Et honnêtement, j'étais vachement séduit par la qualité de l'album, oui. Dans sa globalité, quoi. Mais oui. Donc voilà, c'est vraiment injustement mis au pilori parce que c'est commercial. Parce que c'est commercial et que ça marche et que truc. Mais enfin bon, 10 millions de consommateurs peuvent-ils avoir tout store? Eh ben non. C'est un très bon album. Je maintiens, même si j'aime beaucoup les autres aussi. Voilà. Ah bon, recul d'une année, on va passer en 82 avec ton choix et suivant. Et oui, on va parler du groupe Toto, et c'est le quatrième album qui s'appelle tout simplement 4. Et l'extrait proposé, c'est « I Won't Hold Your Back ». The things we had were right. Donc c'était le titre I Want All Your Back. Alors non, je ne vais pas te parler d'une eau gazeuse parce qu'il y a dedans, il y a de la Rosanna, enfin tout va bien. Donc comme son nom l'indique, c'est le quatrième album du groupe Toto, qui est un groupe de rock sorti en 1982. Il comporte deux des titres les plus connus du groupe, donc Africa et Rosanna, et représente un de leurs plus grands succès commerciaux, en ayant été classé album le plus vendu de 1982. Ça va, on est pas mal. On a fait pire. Pour parler de mon passif sur Toto, pourquoi moi j'ai retenu cet album ? Eh ben c'est un album que mon père écoutait en boucle quand j'étais gamin. Alors je l'ai retrouvé quand je me suis remis il y a quelques années au vinyle. Oh, j'ai tout de suite, tu sais, la Madeleine de Proust. Tu sais, là on est complètement dans le sujet. D'accord. Donc je l'ai acheté vraiment, j'ai acheté un morceau de mon enfance, mm-hmm. tu vois. Et je dois reconnaître que j'ai énormément apprécié de redécouvrir ces différents titres. Le titre que j'ai retenu, je trouve qu'il est vraiment exceptionnel. On est vraiment dans du slow mais de haute voltige. Comme je te l'ai dit, moi, je me souvenais de Africa, Rosanna, etc., qui sont d'excellents titres, hein. Rosanna, Rosanna, etc. Mais c'est un album que je mets très régulièrement, qui tourne très souvent dans ma platine. Et j'avoue que, malgré tout, quand tu parcours tout l'album, il y a un titre, moi, que j'affectionne peut-être plus que les autres, c'est Make Believe, qui a peut-être un peu moins connu de l'album, mais qui, pour moi, me rappelle... Je sais pas pourquoi, ça me rappelle mon enfance. Voilà. Ah ben, chacun aussi, hein. En gros, pour faire simple, il y a 10 titres sur l'album et il y en a vraiment, en grosso modo, 7 de très très haute volée. Alors, évidemment, question Wiz, qu'as-tu pensé ? Est-ce que tu connaissais, etc. Oh ben, quoi. Je l'ai acheté en cassette il y a quasiment 30 piges. Donc, c'est dire s'il y a eu aussi une grosse rotation du disque, enfin de la cassette en l'occurrence. Donc, ouais. Maintenant, je l'ai repris en CD. Donc, je l'ai écouté des centaines et des centaines de fois. À l'origine, je l'avais acheté que pour Africa parce que c'était la seule chanson que je connaissais. Et quand je l'ai mis la première fois, j'étais quand même assez ébahi parce qu'il n'y a pas un seul titre faiblard. Mais non. Pour moi, il n'y en a même pas des moyens. Enfin voilà, tout est vraiment au top. Moi, mon préféré, c'est Waiting for Your Love, oui. L'avant-dernière chanson. Je trouve qu'il y a un groove qui est vraiment génial sur celle-là. Grosso modo, tu confirmes que tout est écoutable, quoi. Enfin, ah non, mais c'est tout pas est de qualité. Tout n'est pas écoutable. C'est très très bonne qualité. C'est de toute façon, c'est le maître étalon pour Toto. C'est d'un autre côté quasiment le seul vrai bon album qu'ils ont fait. Oui, hein, malheureusement. J'ai écouté un peu ce qui se faisait, je suis moins client. Bah, c'est ça, moi je me suis un peu forcé. Alors, les tout premiers trucs, bon bah ça va, mais voilà, il y a eu une espèce de moment de grâce avec ce disque-là. On sait pas pourquoi, mais alors ils l'ont vraiment pas loupé, quoi. C'est ça. Il est topissime. Alors là, donc on était en 1982, on passe à 1985. Tu vas nous parler d'un nom qui, je pense, pour la plupart des auditeurs, est parfaitement inconnu. Et probablement chez toi aussi. Ah oui. C'est un monsieur qui s'appelle Chas Jenkel et il chante Number One, extrait de l'album Looking at You. Number One is a hard time. Donc, le monsieur est un auteur-compositeur et donc interprète britannique né en 1952, assez peu connu, il faut dire, sous nos latitudes. Il est généralement connu pour avoir été un des guitaristes des Blockheads, le groupe qui accompagnait Ian Dury, et d'avoir composé la chanson Sex, Drug and Rock'n'Roll du même Ian Dury. Il a aussi écrit I Know Corrida, qui a été popularisé par Quincy Jones. Donc là, on est déjà dans le très très top. I Know Corrida. Voilà. Ta, ta, ta, ta. Demandez au Jukebox Mikado. Et donc le fameux Number One dont il est question ici. Oserais-je dire que la chanson a été utilisée en son temps dans une pub pour les déodorants Printil et que c'est comme ça que j'ai découvert la chanson. D'accord, Printil, je connais pas. Donc l'album, c'est son quatrième. C'est aussi son dernier succès. On ne sait pas trop pourquoi, parce que la chanson a quand même bien marché. Et c'est le moment où la maison de disques a dit « Bah écoute, merci, au revoir ». Et c'est le dernier qu'il a fait. Merci Bernard. C'est la dernière qu'il a fait chez sa maison de disques et il n'a plus fait d'album jusqu'en 2001. Ah oui, quand même. Donc, petite traversée du désert. Petite grosse traversée du désert. Ce que je trouve assez étrange sur ce disque, c'est que, en tout cas à mon sens, il a casé ses trois moins bons titres d'entrée de jeu. Donc 1, 2, 3, c'est les trois que j'ai tendance à zapper. Ah oui, je me suis fait la même remarque, ah, c'est marrant. Alors que généralement, on met plutôt... En général, le hit, c'est la piste 2. Mais c'est ça, hein, enfin, ou 1, 2, 3 quand on en a quelques-uns. Et puis, ça finit avec du remplissage. Là, en l'occurrence, non. Il commence par le remplissage. Et c'est dès donc la quatrième, Little Eva, qu'on commence à taper dans un rythme de croisière avec, je trouve, moi, que des bons titres. Donc, je sais pas ce que tu en as pensé. Ah bah, tu alors ne là, connaissais pas l'album. Bon, alors là, moi, je te dis, tu m'as dit, au fait, Mikado, Chasse, Jungle, c'est qui? Inconnu au bataillon. Et je suis sûr, comme la plupart de nos auditeurs qui nous écoutent, gros flashback. Clairement, le titre, il est hyper connu. C'est marrant, cette faculté à mémoriser certaines choses. C'est dingue. Hein. Ça faisait peut-être 30 ans que j'avais pas entendu le morceau et je me le suis réapproprié depuis qu'on a préparé l'émission. Et maintenant, j'ai l'impression de le connaître, mais depuis toujours, tu vois. Donc, je valide chaudement. Hein. Je pense que ce mois-ci, tu as fait un petit peu exprès de me gâter en mettant que des trucs que j'aimais, hein, parce que la plupart du temps, on n'est pas toujours d'accord, on n'est pas toujours raccord. Et là, tu me gâtes. Moi, je ne savais pas, en l'occurrence, sur celui-là. Ah bah là, pour le coup, tu as tapé au fin fond de ma jeunesse, hein, et je m'en souvenais, comme je suis persuadé, comme la plupart de nos auditeurs. Et le reste de l'album est vraiment très bon disque, très conseillé. Il est plus très disponible en CD, mais il est sorti en CD en son temps et il est pas sur Deezer. Enfin voilà, c'est compliqué, mais c'est dommage parce qu'il y a des très bonnes chansons, c'est ça. Dont justement le Little Eva que je mentionnais tout à l'heure et Boy on the Bridge, qui est ma chanson préférée du disque, qui est vraiment très très jolie. Il y a vraiment des très bons trucs, il y a des très jolies mélodies et c'est un petit peu années 80 quand même. Voilà, oui, c'est un petit côté daté, mais ça marche bien quoi. Voilà, ouais, ça change des stars 80 quoi. Tout à fait, mais on reste encore dans le trait caractéristique AD 80, c'est ça. De nouveau en 82. C'est ça, alors là je vous propose l'album H2O du groupe Hall and Oates et le titre retenu c'est Man Eater. Alors là, les poditeurs, je pense que, comme pour le choix précédent de notre ami Wiz, un gros flashback. Moi, personnellement, j'ai acheté la jaquette, comme la plupart de mes vinyles. J'aime bien la jaquette, alors je l'achète. Et quand tu mets le titre, bah pareil, un gros flashback. Je me suis complètement replongé encore une fois. Ce numéro, c'est spécial Madeleine de Proust, hein, me concernant, hein, tu vois. Alors, pour parler un petit peu de l'album, c'est une chanson du groupe Hall and Oates, extraite de l'album donc H2O. C'est sorti le 31 octobre 1982. Faut savoir que quand même, le titre que j'ai retenu a été numéro 1 aux États-Unis et c'est le plus grand succès du groupe. Il était également numéro 1 au Canada et également en Espagne. Connu en particulier pour son solo de saxophone interprété par Charles Mr. Casual de chant. Écoute, si tu le dis, c'est le plus gros succès des années 80 qui comporte un solo avec cet instrument. Évidemment, sans être un album totalement indispensable parce qu'il y a quand même un petit peu de remplissage, bah, de temps en temps, moi j'aime bien, tu vois, l'avantage du format 33 tours, c'est que tu pioches moins, comme je le dis régulièrement, et bah, je mets le disque, j'aime bien le titre, je laisse tourner, puis en fait je laisse tourner l'album, et je trouve que ça ambiance bien ma petite maison, quoi. Par exemple, le titre comme Art of the Heartbreak a retenu notamment mon attention alors que je le connaissais pas du tout. Je sais pas s'il y a des tonnes de chansons qui ont vraiment cartonné en dehors de celles que tu as sélectionnées. Ce qui est sûr, c'est que le souci de cet album, c'est qu'il est introduit d'entrée de jeu par un énorme carton. Ouais. Et fatalement, quand tu te prends ça dans la tête, t'as tendance à vouloir comparer plus ou moins le reste de l'album. Et voilà. Et c'est quand même moins à la hauteur. Alors, sorti du titre 2 et 3 que je trouve vraiment quelconque sur surtout vu ce qui les a précédés. On retrouve un côté mélodique à partir, bah, pareil aussi du quatrième titre. Et il y a quand même, à partir de là, c'est plutôt efficace et on retrouve le côté assez mélodique de All and Oates, que j'aime bien, moi, par ailleurs. Le seul truc que j'avais complètement pas du tout en tête, c'est la reprise de Family Man qui ouvre, je crois, la deuxième face, qui est une reprise de Michael Field. Et j'ai tellement entendu depuis tellement longtemps la version originale que j'arrive pas à... Ah, t'arrives pas à rentrer. J'arrive pas rentrer aussi bien que, ouais. Alors que par ailleurs elle est tout à fait honnête, mais bon, moi je reste sur la version de Michael Field, donc voilà. Mais sinon c'est un bon disque, c'est pareil, c'est comme le Chas Jenkel, c'est pas indispensable parce que tout n'est pas au top. Ouais, mais ça, tu vois, c'est des titres que j'aime bien réhabiliter parce que quand on en parle un tout petit peu, mais quand tu revois des émissions où ça remet sur scène des anciennes gloires des années 80, moi personnellement ça me sort par le nez. Un petit peu aussi. Parce que je supporte pas, tu sais, des besoins de rien. Enfin, tu vois, je peux pas. Et là, bah, retrouver des petites perles qui, encore une fois, je suis sûr, parleront à nos auditeurs. Hein. Bah, moi, personnellement, bah, je suis content de déterrer ce genre de titre très connu, mais également très oublié. C'est pas celui qu'on sort effectivement le plus, et c'est dommage, mais le reste de la disco est vraiment intéressante, et ils ont une patte qui est sympa et qu'on retrouve quand même dans la plupart des morceaux de l'album, qui se tient plutôt bien. Voilà. Préférence pour la deuxième face, mais ça se tient quand même très très bien. Alors là, on avance quand même un petit peu dans la décennie. On arrive à l'année 1987. Et un petit interprète français, pas très connu dans nos contrées, je t'écoute. Pas du tout connu, effectivement. C'est Monsieur Serge Gainsbourg qui nous sort bien son dernier album. C'est You're Under Arrest. Et bah, j'ai choisi la chanson du même nom. Un soir que dans le Bronx, j'étais au monde plus anxieux. Retrouver Samantha entre Thelonious Monk. Quelques punks aussi vont se quitter. Chiclan de mon Iowa. You're under arrest, cause you're the best. I slip in the slam, but boom, bam, I can't fall. You're under arrest, cause you're the best. 7e et donc dernier album de Gainsbourg. Comme le précédent qu'il avait fait quelques années auparavant, il est essentiellement centré sur des histoires de quéquettes. pas du tout. Pas du tout. Hein. Et après la Marilou de l'homme à tête de chou, cette fois-ci, il jette son dévolu sur Samantha. Est-ce une référence à Samantha Fox ? Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé. En tout cas, on l'imagine jeune, voire très jeune, comme l'indique le titre de la deuxième chanson, hein, les Five Easy Pisseuses, et la mention sur la pochette, un détournement de mineur, RES. Il contient deux reprises de chansons des années 30, Gloomy Sunday face A et Mon Légionnaire sur la face B. J'ai beaucoup de mal, moi, à faire un choix, parce que tout se tient très bien. Ça compte un petit peu les aventures de Serge et de sa copine Samantha. Samantha. C'est qui Samantha ? Bah, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais tout se tient très bien. C'est vraiment très consistant comme album, je trouve. J'ai quand même une petite tendresse, justement, pour Gloomy Sunday, où c'est quand même assez notable, parce que Serge se remet à chanter. Alors, c'est timide, mais d'un coup, il lâche un peu son costume de vieux pervers pépère et il se met à chanter quelque chose d'un peu plus intime et vraiment à chanter sur quelques mesures. Donc, je trouve ça assez touchant et j'aime beaucoup le refrain de Glass Security à la fin de l'album qui est assez rigolote. Donc, voilà, moi, c'est un disque très funky et même si c'est un peu quéquette et nichon, je le trouve quand même voir bien. Voir nichon et quéquette. Mais moi, j'aime beaucoup ce disque. Je trouve qu'il marche super bien. Bon. Bah alors moi, très honnêtement, je suis pas un grand fan de Gainsbourg, hein, mais j'aime bien ses chansons, tu vois. En revanche, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec sa dernière période, entre guillemets, hein, la période Gainsbar, tu sais. C'est ça. Pour moi, on est dans une prod vraiment trop 80s, et bah, j'ai jamais adhéré à ces proses qui, on dirait, il est fait sous alcool, tu vois. Enfin, On dirait sous Viagra aujourd'hui, pour le coup, parce qu'il doit y avoir 2-3 cachets bleus. Hein. C'est ça, mais ça s'appelle pas comme ça, quoi. C'est ça. Et moi, si je devais sauver du Gainsbourg, bah, je resterais tout simplement sur le poinçonnaire des Lilas. Et en revanche, quand même, si je devais quand même sauver et retenir un des titres de cet album, bah, ça serait aux Enfants de la Chance, que je trouve, en revanche, là, pour le coup, merveilleuse. Quoi. On a beaucoup rigolé sur celle-là, quand même, parce que c'est un côté... Non, mais Tu t'es vu quand t'as bu? Es-tu véritablement la personne la mieux placée pour dire aux enfants « vous défoncez pas » En plus, nous, on a vécu le Gainsbourg que des années 80, historiquement. Oui. Donc on a Moi, vu... j'ai découvert bien après cette période antécédente. Mais le personnage, tu le vois, enfin, on le voyait sur « t'as pas vu le Champs-Élysées ah, ?» bah, oui. Voilà. À chaque fois qu'on le voyait, ou ça, ou au jeu de la vérité, ou on, enfin, on avait Moi, l'impression qu'il avait pris 3 grammes avant. Je te l'avais pas raconté, ça, mon petit Wiz? Non, je sais et plus, peut-être. Mon papa, tu sais, il est musicien, et une fois, avec la fanfare, ils étaient venus interpréter Annie aime les sucettes à l'émission de Foucault à l'époque. Mm-hmm. Sacrée soirée. C'est et ça. Donc on voit mon papa à la télé. Et quand j'étais ado, bah, j'étais très très fier. Voilà. D'accord. C'était l'anecdote de Mikado. Ok. Mais bon voilà, là, c'était mignon. Mais c'est vrai qu'on a connu que le Gainsbourg un peu épave. Ah, moi je pense au Gainsbourg chez Mourouzi, Champs-Élysées. Mais oui, mais c'est ça. Bon, bah, c'était une image. Mais au final, sur les années 80, il a sorti 3 disques et qui se tiennent quand même pas mal. Même s'il pousse le potard du gros dégueulasse à fond, il n'y a que lui qui peut se le permettre, mais je trouve que ça marche quand même. Alors effectivement, c'est moins poétique que ce qu'il pouvait faire bah justement sur l'homme à la tête de chou, où il rentre dans des détails tout aussi scabreux, mais moi je trouve que ça marche. Puis de toute façon, Gainsbourg, je lui pardonne tout. Donc voilà. Alors, ça y est, on attaque les rééditions. Ah ouais. On attaque la pomme de Discord. Je te laisse démarrer. Bah tiens, on est en 87 aussi, dis donc. Eh oui, et là, on parle d'un album cher à mon cœur que je me suis fait un devoir de racheter en vinyle dès que j'ai pu. Je parle évidemment des Guns N' Roses. L'album, c'est Appetite for Destruction. Et le titre que j'ai difficilement pu retenir, parce que je les aime tous, c'est Paradise City. Yeah. Donc c'était le titre Paradise City du groupe Guns N' Roses. Alors, cet album a atteint la première place des meilleures ventes d'albums aux États-Unis et a été certifié depuis 18 fois disque de platine par la Recording Industry Association of America. Approchant les 30 millions d'albums vendus dans le monde, il s'agit d'un des albums les plus vendus de l'histoire. C'est fou. J'ai envie de te parler un peu de l'enregistrement, parce que là, pour le coup, tu me sens super client du dossier, donc oui. J'ai un peu creusé, j'ai bien fait mes devoirs sur ce coup-là. Il faut savoir que le groupe avait la particularité d'enregistrer en prise unique, parce que les prises sont uniques, mais d'accord. Bon, je le fais avant que tu la fasses. Hein. Tous les musiciens jouaient en même temps au lieu d'enregistrer piste par piste. Axl Rose, donc le leader, le chanteur du groupe, disait que la musique perdait de la vie et que ça ne ressemblait plus aux Guns lorsqu'ils étaient séparés. Donc Slash, reconnu pour son son de guitare sortant de l'ordinaire, passait des nuits entières en compagnie de l'ingénieur du son à retravailler ses parties et à rajouter des effets aux pistes de guitare. Tu sens un album travaillé quand même, hein ? Alors l'album sort donc le 21 juillet 1987. Et durant la première année, bah, ça ne fut pas un énorme succès. MTV refusa même de diffuser le vidéoclip de Welcome to the Jungle, peut-être le choix que j'ai hésité à retenir, en raison de ces images jugées trop violentes et de la pochette controversée de l'album. Le groupe accepta de faire un compromis et de changer la jaquette. Donc, Il y avait quoi sur la jaquette qui aurait changé ? Bah là, la pochette qu'on connaît tous, c'est une sorte de croix avec la tête des Guns en tête de mort. Et là, c'était une sorte de bestiole, rien de bien choquant. Je la trouve même, entre guillemets, plus elle t'interpelle plus celle qui est connue, quoi, finalement. Bon, bref. Pour moi, cet album, c'est un de mes albums cultes. C'est l'album qui m'a fait aimer le hard rock, d'une manière générale. Comme je le dis, j'ai eu énormément de mal à choisir un titre, parce que on a du Welcome to the Jungle, on a du Night Train, on a du Sweet Child O' Mine. Mais pourquoi j'ai retenu Paradise City? Parce que je ne me l'explique pas, mais à chaque fois que j'écoute ce morceau, bah, j'ai le frisson. Voilà. Donc à partir du moment où t'as écouté 12 000 fois un album, et que 12 000 fois t'as un frisson sur une chanson, bah, c'est qu'il y a probablement quelque chose. Il y a quelque chose, quoi. Ouais. Et pour la petite anecdote, moi j'ai connu les Guns quand j'ai été voir Terminator 2 au cinéma, comme beaucoup d'ados de mon époque. Donc, Wiz, tu connais mon amour pour cet album. Que vas-tu dire? Que vas-tu faire? Eh bien, pas forcément grand-chose qui va te plaire, mais bon, voilà. Moi, je suis toujours assez circonspect avec le hard ou le metal, ou je sais jamais quelle est la bonne dénomination. C'est toujours un rayon dans lequel je rentre avec un peu de difficulté, même si de temps en temps, il y a des trucs qui marchent. Je sais jamais trop pourquoi. Là, je trouve qu'il y a plusieurs points négatifs sur l'album. Le premier, c'est que on a ce que j'appelle le travers AC/DC, c'est-à-dire une musique sévèrement burnée qui est chantée par un eunuque qui s'est pris les mains dans la porte du métro. Ne mets pas tes mains sur la porte. Mais c'est ça, tu risques de te faire pincer très fort. C'est qui le patron? Ne mets pas tes mains sur la porte, tu risques de chanter comme Axel Rose. Oh là là, là. C'est très désagréable pour mes oreilles. Et je comprends pas ce côté musique de bourrin qui est chanté par un mec qui a une voix de fille. Alors où est-ce qu'on coupe le micro là? Ça m'a toujours fait étrange. Ensuite, il y a un deuxième truc, quand tu dis que l'album a été travaillé, oui, il a été travaillé, ça s'entend. Mais alors par contre, j'aime pas du tout le travail qui a été fait. ils ont fait un mixage qui met les guitares extrêmement en avant. Ouais. Alors le truc c'est qu'il joue extrêmement bien, mais vraiment il y a un boulot au niveau des guitares qui est formidable, mais le problème c'est que c'est trop élaboré pour mes oreilles. J'arrive plus à détailler le truc tellement ils en mettent trop de couches et trop de trucs différents. C'est trop travaillé quoi pour moi, et ça bouffe le peu de voix et le peu de mélodie qu'il y a sur les chansons. Et c'est le troisième point, c'est que c'est absolument pas mélodique. Il n'y en a pas une quasiment que je peux imaginer en piano-voix. Sweet Child of Mine, non ? Et ben c'est la seule que je sors, c'est la seule que je pourrais réécouter, et je l'ai remise encore tout à l'heure, et je dis celle-là elle est quand même bien. Parce que d'un seul coup, les guitares elles sont mixées en arrière, la voix elle est plus devant, et c'est beaucoup plus mélodique, et d'un seul coup ça marche. Voilà pourquoi moi je préfère des groupes comme Whitesnake. C'est beaucoup plus mélodieux, Whitesnake. Et Whitesnake, tu prends quasiment n'importe quelle chanson et tu la fais piano-voix et ça marche. Je te montre pas mes tatouages Guns N' Roses. Non, voilà. Pour le reste, voilà, c'est dommage parce qu'il y a au moins une chanson qui montre qu'ils sont capables de faire un truc qui me plairait davantage. Et par contre, c'est des putains de guitares et ça, il n'y a vraiment pas de doute. Mais la voix du mec et le mixage, et puis le peu de mélodie dedans, ça me casse un peu le truc. Donc j'ai pas eu beaucoup de plaisir. Je l'ai écouté jusqu'au bout, deux fois. J'ai lutté un peu quand même. Ah oui. J'ai un peu lutté. Donc là, amis gamers, si vous nous écoutez, évidemment, on pense tout de suite à Burnout Paradise, parce que le titre Paradise City est évidemment en ouverture du jeu, donc rien que pour ça, le jeu vaut la chandelle. D'accord. Alors là, on revient à 1983. Et oui. Et tu veux nous parler quand même d'un artiste passablement connu. Un grand monsieur de la chanson, Paul McCartney. Pour la réédition de Pipes of Peace. Et l'extrait choisi, on fait simple pour une fois, Say. C'est quoi alors? Cinquième album solo de Macca, qui est sorti pas beaucoup de temps après donc le précédent, Tug of War, qui était de 82. Et d'ailleurs, les sessions sont un petit peu utilisées pour les deux albums. Les deux albums sont vraiment une paire qui se répondent. Il y a des reprises du premier album dans le deuxième. Ils sont construits un peu de la même manière avec un invité qui va avoir deux duos sur l'album. Donc sur le premier, c'était Stevie Wonder. Sur le deuxième, c'est Michael Jackson. Le disque va un peu décevoir la critique par rapport au précédent, ce qui sera l'inverse niveau public, parce que l'album va mieux marcher que le précédent. Moi, je suis plutôt de l'avis du public encore sur ce coup-là, parce que je le trouve super bon. Vraiment, il me plaît énormément, ce disque. Le travail de remasterisation est vraiment très très bon. Ah, c'est ce que j'allais te demander. Très très top aussi. Moi, j'avoue que ça me... En CD, t'as dit, hein. Ouais, en CD. C'est assez génial. Il a mis plein de petites choses sympatoches avec pas mal de face B qui sont pour la plupart pas dispensables du tout, qui marchent très bien avec l'album, et on se demande pourquoi il les a retirés. Moi, j'aime en particulier le Ode to a Koala Bear et Christian Bop, qui est un petit instrumental super drôle. Et le topissime, la pépite sur la réédition, c'est surtout le remake de Say Say Say, où il a utilisé une version alternative en inversant les passages. C'est-à-dire que les parties qui étaient chantées par Michael Jackson, elles sont chantées par Paul McCartney et réciproquement. Ah oui, est-ce qu'ils ont tous les deux chanté la chanson en complet? A priori, oui. Et et ça marche super bien, et on se retrouve avec une version, bah, c'est alternative. C'est alternative, c'est pas tout à fait la même, mais c'est voilà, c'est pas ah, tout c'est à fait une autre. Et ça dure 7 minutes, et c'est 7 minutes de bonheur, et voilà, c'est un très très bon disque. Moi, alors, j'adore. C'est rigolo parce que on a évidemment, comme d'habitude, on se concerte pas, hein, mais c'est notre deuxième choix où il y a du Michael Jackson dedans. Et oui. Parce que bah, Torture, entre guillemets, il fait une sorte de featuring, et ben là, c'est un peu la même chose, quoi. Oui. Alors bon, bah évidemment, pour parler alors du titre, comme toi, moi je le connaissais. Enfin, hein, je vois très bien le truc, un peu le clip, un peu campagnard, un petit c'est, peu. C'est ça sur leur. Pas dire amiche, tu sais. Ils mangent du balisto à la fin et tout. C'est ça. L'album, je connaissais pas. Évidemment, j'ai écouté ta playlist, j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, je suis pas comme toi, j'aurais pas de titre à retenir parce que bah, j'ai pas eu le temps de bien me l'approprier. Mais je reconnais que d'une manière générale, c'est une très très bonne production. Enfin, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter. Hein. Quand je l'ai découvert, pareil aussi sur le tard, il y a, je sais pas, peut-être 5-6 ans, ouais. Je connaissais aussi que Say Say Say et quelques chansons qui ont été utilisées dans son film de 84. Donc, il y avait quelques titres, mais vraiment, il y avait qu'une petite partie. Moi, le vrai préféré que j'ai, c'est l'autre duo qu'il a fait avec Michael Jackson, The Man, qui est vraiment ma chanson préférée du disque. Je sais pas si elle est sortie ou pas, j'ai pas vérifié. Mais non, non, c'est efficace. Hein. D'accord, ok. Eh ben alors, on attaque les hors-sujets. Ah. Et on attaque les hors-sujets, cette fois-ci, en 96. Hein. Oui, là, donc, comme tu le sais, il y a quand même des choses à sauver dans les 90s. Hein. Donc, on fait un saut à 1996. Comme tu le sais, j'aime beaucoup le trip-hop, l'électro, tout ça. Et je vais te proposer l'album Who Can You Trust du groupe Morshiba, et le titre retenu c'est Moog Island. Sometimes I get up feeling good, but greed gets me down. I try to think about the highs of freedom we found. When the business in your life don't sit with your soul, and they treat you like a child they need to control. The music that we make will heal all our mistakes and lead us. The music that we hear is always standing near to. Donc c'était le titre Moog Island du groupe Morshiba. Alors Morshiba, c'est un groupe de musique britannique mélangeant le down tempo, le trip hop, le rhythm and blues et même un peu de pop. Il est formé par les frères Paul Godfrey, qui sont à la base des DJ, et de Ross Godfrey, guitare et clavier, ainsi que de la chanteuse Sky Edwards. Who Can You Trust est le premier album du groupe, sorti le 24 septembre 1996 et entièrement écrit, paroles et musique, par les trois membres du groupe, et fut immédiatement un gros succès et installa Morshiba sur la scène internationale. Alors, encore une fois, je dégaine des albums chers à mon cœur, hein, parce que autant faire des trucs qui nous font plaisir. Hein, Wiz. Je suis d'accord. Alors, mon Wiz, tu connais mon amour pour le genre qu'est le trip-hop. Donc tu ne vas pas dire de méchanceté. Voilà, hein, tu m'as déjà bien sabré, mon... Non. Eh bien, je peux te dire, sans hésitation, je peux même te le conseiller, que cet album est pour moi le meilleur du genre. Pourquoi ? Parce qu'on a des hits comme bah, Moog Island, qui est le titre d'ouverture de l'album, on a Trigger Hippie, on a Tape Loop, on a Never An Easy Way, Howling, et j'en passe. Enfin, tu auras compris, mon Wiz, que j'aime vraiment d'amour cet album, et que moi, je l'ai découvert à l'époque, je l'avais acheté en CD à l'époque, et cet album ne m'a jamais quitté. J'ai beaucoup moins aimé les albums suivants, il y en a eu du bon et du moins bon, mais de la discographie Morshiba, c'est de loin mon préféré. Alors, question, comme d'habitude, mon Wiz, quid de ton ressenti sur cet album ? Est-ce que tu connaissais ? Alors, je ne connaissais pas l'album, je connaissais le groupe, parce que je dois avoir 2-3 CD chez moi, dont en particulier le suivant, Big Calm, qui est un disque que j'aime beaucoup. Il est très bien. Vraiment, on est encore dans le très très bon. Hein. Ah ouais, ça marche vraiment du tonnerre. Ce qui est marrant, c'est que ça colle pas du tout à l'image du trip-hop pré-suicide, Xanax, Lexomil et tout. Là, c'est autre chose. Tu parles de quoi ? Du genre l'album là, de Who Can You Trust. Ouais. Là, c'est plus du tout ça. Là, c'est un disque à fumer, d'où la pochette qui est quand même une des plus moches pochettes de l'histoire du disque, il faut le noter. Elle est pas terrible. Donc bon, quand j'ai mis le disque sur la pape latine, parce que je l'ai pas écouté en vinyle, je partais avec plein de bonnes énergies. Au final, c'est une bonne prod. Les chansons, elles sont sympas. Ça s'écoute avec plaisir. Mais c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Parce que c'est 12 fois, je crois, 12 fois le même titre. Je suis désolé. Le coup de sable. C'est un truc. Pour moi, ils auraient dû faire un hippie avec 5 ou 6 titres, un truc de 20-25 minutes pour condenser. Parce que je trouve que les chansons, pour la plupart, elles sont interchangeables. De manière générale, c'est un disque que tu poses et voilà, ça s'écoute vraiment avec grand plaisir. Oui, c'est l'idée de l'album. Mais elles sont toutes sur la même note, tout se ressemble trop, donc c'est long. Alors que l'album suivant est vachement varié et il y a quelque chose de beaucoup plus catchy en fait pour mes oreilles. Là, le problème c'est ça, c'est que c'est trop long. La moitié ça aurait suffi. C'est des très bonnes chansons, mais il y en a un peu trop. Voilà. J'ai pas de mots. Bon, que dire? Alors, 1996, ou Can You Trust, meilleur album de la décennie, on fait un saut en arrière, on retourne en 1977, et tu vas nous parler d'un disque qui s'appelle Dune, d'un monsieur qui s'appelle Dave Matthews, et l'extrait c'est Arrakis. En fait, c'est un disque que j'ai découvert sur YouTube. Oh, récemment, là? L'année dernière. Ah oui! L'année dernière. C'est toujours... t'es sur un album, je sais plus si j'écoutais un album complet ou un titre. Puis t'as toujours des petites suggestions sur le côté. Mmh. Et j'ai cliqué sur ce truc-là. Tiens, Dune, ça peut être marrant. Enfin, voilà, donc écoutons. Et je suis tombé sur ce disque et j'ai trouvé ça absolument génial. Ce qui fait que immédiatement après, je suis passé sur Discog. J'ai vu qu'une réédition était parue très peu de temps avant au Japon. Et en sortant du bureau, parce que j'avais écouté ça au bureau, chut, personne n'écoute. Je me suis rendu chez Gibert et chez Gibert, ils avaient la réédition que j'ai achetée direct. Ah cool, en nickel. Tout s'est fait en l'espace de 4 heures, quoi, globalement. Ah, oui. Et c'est excellentissime. Donc pour le monsieur, c'est un pianiste de jazz américain né en 1942 qui a travaillé entre autres avec George Benson, Esther Phillips ou Grover Washington. Donc oh oui. Que du joli, très beau monde. Il n'y a pas beaucoup de docs à son sujet et il n'y a même pas de fiche wiki pour l'album, ce qui est quand même assez désespérant. Et pourtant, il en a fait quelques-uns. Ça n'a rien à voir avec le film. Ça n'a rien à voir avec le film. Donc il y a deux parties sur le disque. Il y a une suite qui est inspiré par le livre du même nom, hein, qui est très évocatrice, très un peu science-fictionnesque et très proche d'un jazz un peu fusion qui me rappelle Yuji Ono et Capitaine Flamme et machin. Enfin voilà, on rentre dans un univers que j'affectionne beaucoup. Et puis la deuxième face, elle est un poil plus anecdotique puisque c'est des reprises. Il y a quand même une reprise de Space Oddity de Bowie, on sait pas trop pourquoi, ce que ça vient faire là, mais qui est, moi je trouve assez marrante à écouter avec les chœurs et tout, c'est assez cool. Et puis ça finit sur deux reprises de Star Wars, là aussi. C'est à retenir surtout pour la première phase qui est vraiment exceptionnelle. La deuxième, on peut la passer, elle est plus anecdotique, mais c'est vraiment une belle découverte et ça marche super bien, je trouve. Moi je te rejoins complètement hein, parce que je connais, comme toi je connaissais pas, et je te rappelle, on échangeait des SMS, je t'ai dit mais c'est Capitaine Flamme, c'est quoi. Ça, complètement. C'est complètement dans le thème hein. Tu sais qu'on à la E-Team on est super fan du travail de Oji Ono hein. On parle, donc tu as dit Capitaine Flamme, Edgar de la Cambriole hein, Lupin the Fern en version originale. On avait même un peu commencé sur lui, donc... Oui. Donc, vraiment, là, ce mois-ci, on peut dire que tu m'as gâté. Hein. Enfin, moi, je... C'est, honnêtement, c'est la grosse découverte de ce numéro. Je me suis vraiment régalé à l'écouter. Alors, il y a juste quand même, là où je serais plus nuancé, je te rejoins sur la deuxième face, les trucs de Star Wars un peu disco, machin. J'ai pas validé, mais rien que pour le titre que t'as retenu, franchement, il y a bien 400 titres qui sont vraiment de haute volée, je valide très très très chaudement. C'est cool, mais c'est vrai que la fin, ça sent un peu le remplissage pour « tiens, il y a eu Star Wars, profitons-en quoi ». C'est ça. Eh bien, ceci nous amène doucement à la fin de l'émission. Eh bien, on va comme à chaque fois se quitter sur un petit titre bonus. Donc, Monsieur Mika, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Comme tu l'as un peu remarqué, moi, l'album Toto, c'est un album Madeleine de Proust. Partagé. Donc choix collégial pour une fois. Ouais, ça marche. Et on va se quitter, non pas sur le titre Hosanna ni Africa, mais sur le titre Make Believe, qui, je pense, parlera aux auditeurs. En tout cas, moi, il me parle à mort. Donc, voilà. Eh ben, c'est à parfait. Très bientôt. À plus. Ciao, ciao. Ciao, les enfants.